oubliez presque tout ce que l'on vous a appris sur le plancton, la distinction zooplancton, phytoplancton, vous pouvez presque tout jeter à la mer. Le plancton est incroyablement étrange, divers. Il bouleverse les catégories phylogénétiques, il surplante et de très loin la végétation terrestre, tant pour produire de l'oxygène que pour absorber le CO2 atmosphérique. Et last but not least, le plancton est invraisemblablement beau. Une récente étude en a dressé une cartographie très précise à l'échelle du globe qui permet de mieux comprendre son évolution et les bouleversements profonds que lui fait subir le réchauffement climatique. On allume le microscope, on prend son souffle et on plonge dans l'océan. Où sont planqués les planctons? C'est le programme aquatique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire l'inventaire de cette incroyable tératologie planctonique, comprendre comment elle s'organise et comment elle s'adapte aux modifications du climat, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Colomban de Vargas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste marin, directeur de recherche CNRS à la station biologique de Roscoff et co-directeur de l'expédition Tara Océan. Et Sakina Dorothée Ayata, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en écologie marine à Sorbonne Université au laboratoire L'Océan. Mais on commence par le tour de l'actualité scientifique du week-end et de ce début de semaine avec le Journal des Sciences et Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour ouvrir ce journal, deux études parues dans la revue Nature Astronomy. Au départ, notre soleil aurait été entouré d'anneaux de poussière. Oui, un peu comme les anneaux de Saturne, mais avec du gaz en plus. Alors grâce à ces études, on sait un peu mieux comment notre système solaire s'est formé. Ces études s'intéressent à la formation des premiers objets du système solaire. Ce ne sont pas encore des planètes, ce sont des planétésimaux. Des objets de 100 km de diamètre comparables aux astéroïdes. Alors le premier article montre que ces planétésimaux se sont formés dans deux anneaux bien distincts. L'un autour d'une unité astronomique, la distance Terre-Soleil, et dans un deuxième anneau, 5 fois plus loin, à 5 unités astronomiques, là où il faisait suffisamment froid pour que l'eau condense sous forme de glace. Alors si aujourd'hui, on voit des corps à peu près partout dans notre système solaire, les planètes telluriques, la ceinture d'astéroïdes, les géantes gazeuses, la ceinture de Kuiper, contrairement à ce que l'on pensait, ces objets ne se sont pas formés partout. Alessandro Morbidelli est directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice. Il est l'auteur de la première étude. On a procédé par simulation numérique. Donc les simulations numériques sont un peu l'équivalent des expériences de laboratoire, mais en virtuel. Et donc, nous sommes aperçus que pour former des objets, des petits corps, il faut qu'il y ait beaucoup de poussière solide par rapport au gaz ambiant. Or, le rapport initial entre la poussière et les gaz est donné par la chimie du Soleil. Et donc, si on veut augmenter ces rapports solides sur gaz, on ne peut que le faire localement au détriment d'autres régions. Donc, localement, le rapport solide sur gaz peut augmenter. Évidemment, pour le faire augmenter à un certain endroit, il faut dépléter en solide les autres endroits du disque protoplanétaire. Et donc, de façon naturelle, la formation des premiers planétésimaux ne peut pas être générale, avoir lieu partout dans les disques protoplanétaires, mais peut avoir seulement lieu là où, par quelques mécanismes, il y a eu concentration de poussière. Donc, dans les premières des articles, nous montrons quels sont les mécanismes qu'aurait pu accumuler la matière solide à 1 unité astronomique et à 5 unités astronomiques, qui sont les sites de formation après des planètes telluriques et des planètes géantes, bien sûr. Alors qu'au départ, le Soleil est entouré d'un disque de gaz et de poussière, et les poussières tendent à, initialement, sont distribuées uniformément par rapport au gaz, et après, par des processus hydrodynamiques, les poussières ont tendance à se concentrer dans ces anneaux. Et on les voit, ces anneaux. On les voit quand on regarde les disques protoplanétaires autour d'autres étoiles, par exemple l'étoile HLTO. On voit effectivement qu'alors que les gaz sont uniformément distribués, les poussières forment des anneaux concentriques séparés par des lacunes où les poussières deviennent très rares. Et on pense aujourd'hui que c'est une situation préliminaire à la formation des petits corps et ensuite donc à la formation planétaire, auquel le système solaire n'aurait pas fait exception. Le système solaire, originellement, si on avait pu l'observer depuis l'espace, aurait eu une structure probablement semblable à celle des disques protoplanétaires qu'on voit, donc avec ces anneaux de poussière sous un continuum de gaz. Et si vous voulez lire du Alessandro Morbidelli dans le texte, eh bien, nous avons posté un lien vers l'étude qu'il a co-signée, comme chaque jour sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Ça y est, depuis ce week-end, le James Webb Space Telescope a réussi son déploiement en entier. Mais pour les sciences du spatial, c'est un moment historique. Les deux ailes du miroir se sont déployées comme prévu. C'était une étape périlleuse. À présent, le James Webb continue de se rapprocher de sa destination, le point de Lagrange à 1,5 million de kilomètres de nous. Une fois arrivé à bon port, les premiers tests de sa caméra et de son spectrographe infrarouge auront lieu. Le plus grand télescope de l'histoire devrait être opérationnel au mois de juin. Le point de Lagrange L2, parce qu'il y en a plusieurs. En Angleterre, un cas humain de grippe aviaire a été détecté. Oui, c'est ce qu'a déclaré l'Agence britannique de sécurité sanitaire. L'épidémie de grippe aviaire H5N1 se poursuit en France, mais aussi chez nos voisins. Selon les virologues de l'Agence de la santé animale et végétale, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Les contaminations oiseaux-humains restent rarissimes. Ce n'est pas la première fois que cela arrive, mais cela reste extrêmement rare, avec moins de 1000 cas dans le monde depuis 2003. Le patient, qui a été en contact avec un grand nombre d'oiseaux infectés, est en bonne forme et personne n'a été contaminé. Et d'un point de vue génétique, la souche du virus H5N1 ne semble pas capable d'une transmission interhumaine efficace. Et enfin, la NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration, tire la sonnette d'alarme sur les concentrations atmosphériques de méthane qui atteignent des niveaux records. Mais on parle beaucoup du CO2, mais il ne faut pas oublier le CH4, le méthane. S'il ne persiste dans l'atmosphère que pendant 12 ans, contrairement au CO2 qui lui se maintient pendant 100 ans, ce gaz à effet de serre est 80 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Selon les dernières données de la NOAA, les concentrations atmosphériques moyennes de méthane ont atteint un record en septembre 2021. Nous sommes passés à 1900 ppb, 1900 parties par milliard. Depuis 2007, les concentrations atmosphériques de méthane ont bondi. Ces émissions proviennent essentiellement des zones humides et de l'agriculture sous les tropiques, mais aussi de la production des énergies fossiles. Merci beaucoup Natacha et à demain pour le prochain Journal des Sciences. C'est le plus important écosystème de notre planète. Il représente 98% de la biomasse des océans et c'est certainement l'écosystème le moins bien répertorié, le moins bien connu et donc forcément le plus fascinant. Une récente étude publiée en fin d'année dernière dans la revue Science a réussi l'exploit de dessiner une biogéographie, une cartographie mondiale de la répartition des planctons, car il faut bien parler non pas du, mais des planctons, tant ils sont multiples, divers, à tel point qu'ils échappent aux classifications usuelle et obsolète de zooplancton animal d'un côté et phytoplancton végétal de l'autre. C'est à cette faune et à cette flore invisible et essentielle que nous nous intéressons aujourd'hui et aux conséquences des modifications climatiques sur leur prolifération. Et pour commencer, retournons en 1956, direction la très belle baie de Villefranche-sur-Mer pour étudier le plancton. Disséminés dans toutes les mers à des profondeurs plus ou moins grandes, les êtres planctoniques abondent aux abords des côtes. Car au nombre de ceux dont toute l'existence se déroule en pleine mer, sans contact avec les fonds, s'ajoute le nombre immense des larves nageuses nées d'adultes fixés, rampant ou enfouis dans la vase. Une infinité de facteurs interviennent pour répartir d'une façon capricieuse en apparence les divers éléments du plancton en tous les points du domaine marin. Cependant, il existe des zones où les êtres pélagiques abondent et sont d'un intérêt tout particulier. Tel est le cas en France pour la baie de Villefranche-sur-Mer, qui, magnifique à tout point de vue, est un véritable paradis du plancton, car il s'y trouve des remontées de courants de profondeur qui entraînent jusqu'en surface des animaux planctoniques d'une extrême fragilité qui peuvent être capturés sans dommage. Par bonheur, un laboratoire maritime, depuis longtemps animé par l'excellent spécialiste qu'est le docteur Tregouboff, y fonctionne et dispose d'une petite vedette. Dans les meilleures conditions qu'on puisse imaginer, il est possible à Villefranche non seulement de recueillir à l'aide d'un long filet conique un plancton très riche, mais encore de rechercher et de capturer directement, depuis la vedette, les formes pélagiques les plus grandes parmi lesquelles les mollusques entrent pour une bonne part. C'est ainsi que quelques-uns de ces derniers, d'un type assez spécial, apparaissent dans le creux des courtes vagues et certains matins de calme plat à la surface même de la mer où les ondulations de leur corps engendrent de légers remous. Voilà, extrait de l'heure de la culture française. Nous sommes en février 1956 sur la RDF, la radiodiffusion française. Une réaction à Colombe de Vargas à cette description du plancton, donc? Ben ouais, c'est impressionnant, c'est une espèce de compression dans le temps, parce que Trégoubov, pour moi, c'est, je pensais même que c'était avant ça, en fait. On a la chance, en fait, en France, d'avoir des côtes extraordinaires qui nous donnent accès, en fait, à différents types de plancton. Et la station de Villefranche, en effet, le paradis du plancton, notamment tout ce plancton gélatineux très fragile. Donc c'est. On reviendra sur différentes études qui ont été effectuées, notamment une qui est une étude d'archéologie planctonique en rade de Brest. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Une réaction également, Sakina Dorothée Ayata, à cette archive, à cette description. Ouais. Moi, ça me fait très plaisir parce que c'est vrai que pendant 9 ans, j'ai travaillé à Villefranche, donc j'ai pu côtoyer cet organisme planctonique de près. C'est assez intéressant de voir comment déjà, enfin à l'époque, on était fascinés par ces organismes qui étaient difficilement atteignables, accessibles, qu'on pouvait difficilement montrer au grand public, mais voilà, qui nous faisait déjà rêver. Est-ce que vous diriez l'un et l'autre que, bien, depuis février 56, du temps a passé, de l'eau a coulé dans la rade de Bresse, mais est-ce qu'on peut dire qu'on a aujourd'hui une connaissance exhaustive des planctons, ou est-ce qu'il reste encore beaucoup bien de naturalisme à effectuer, de recension? Est-ce qu'il nous manque encore des espèces? Quel est l'état aujourd'hui de nos connaissances sur les différents planctons, Sakina Dorothée Ayata? Alors aujourd'hui, je pense qu'on a toujours besoin de ces taxonomistes qui sont spécialisés de différents grands groupes planctoniques et qui sont capables de les reconnaître visuellement, même si on a accès à d'autres outils. Je pense qu'on en reparlera, en particulier les outils moléculaires, bien pour sûr. Caractériser, voilà, à partir d'une goutte d'eau, identifier les organismes qui sont présents. Donc mais on reste quand même dépendant de cette connaissance taxonomique, et également avec des nouveaux outils comme l'imagerie, qui permet de prendre des images in situ des organismes planctoniques. On a besoin toujours de quelqu'un pour labelliser, annoter ces images, dire à quel organisme ils appartiennent, même si ensuite on peut faire apprendre à l'ordinateur à les reconnaître automatiquement. Mais on a toujours besoin de cette connaissance initiale taxonomique. Colombe de Vargas, il y a encore beaucoup à explorer dans le domaine planctonique. Alors, je pense évidemment au plancton des grandes profondeurs, mais en même temps, comme il y a énormément de mouvements dans les colonnes d'eau, est-ce qu'on a accès à l'intégralité du plancton? Est-ce qu'on mesure en tout cas ce que l'on ne connaît pas? Ou est-ce qu'on pense qu'on a à peu près fait le tour et qu'on a une connaissance relativement exhaustive? Comme disait Sakina, il y a maintenant donc on est capable maintenant de prendre un morceau d'eau, d'en extraire l'ADN, et de séquencer des marqueurs de la biodiversité des organismes. Et ces méthodes sont très puissantes, parce qu'on peut vraiment séquencer des millions de marqueurs par masse d'eau. Donc là, on arrive un peu à saturation, c'est-à-dire qu'on a une idée de notre ignorance, en fait. Mais la plupart de ces séquences, de ces marqueurs des organismes, on ne sait même pas à quoi ils correspondent. On sait plus ou moins dans quel groupe ils tombent, mais on sait pas comment ils vivent, on ne connaît pas leur physiologie, on ne connaît pas leur morphologie. Donc on est encore loin, loin, loin, loin du compte, même pour l'océan de surface. Alors je ne vous parle pas de l'océan. Tout l'océan profond, qui est carrément un énorme mystère. Et cette ignorance, on peut la quantifier? Pardon? On peut la quantifier, cette ignorance du plancton? On sait ce qu'on connaît par rapport à ce qu'on ne connaît pas ou pas? Exactement, je pense que les méthodes de séquençage massif, en fait, nous permettent de quantifier notre ignorance et de commencer à classifier et d'organiser la biodiversité, mais souvent sans savoir ce qui se cache derrière. Mais alors justement, cette quantification, elle est de combien? Est-ce qu'on sait qu'on connaît 10% des espèces, 20%, 30%, 2%? Est-ce qu'on a une idée? En fait, moi, c'est une proportion que je voudrais avoir à peu près. Est-ce qu'on a une idée de cette proportion de connaissance-méconnaissance? Ouais, en espèce décrite, je pense qu'on est à moins de 2%. Hein. Ah oui. C'est cette proportion-là que je voulais avoir. Sakina Dorothée Ayata, sur cette proportion, justement. Oui, effectivement, sur la quantité d'ADN ou d'ARN qu'on peut séquencer dans les océans, il y a toute une partie pour laquelle on ne va pas savoir à quel organisme cette séquence appartient. Et il y a aussi toute une partie pour laquelle on n'a aucune idée du rôle fonctionnel. Donc si c'est un gène, par exemple, quelle est la fonction de ce gène? Et parfois, on fait référence au terme de matière noire planctonique pour caractériser en fait cet ensemble de séquences qui sont totalement inconnues, soit d'un point de vue taxonomique, soit d'un point de vue fonctionnel. Et parfois, effectivement, c'est des proportions très très importantes, de 50 à parfois 90% des séquences. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc des planctons. 98% de la biomasse océanique, et donc nous venons de l'entendre, dont on connaît certainement moins de 10%. Nous en parlons avec Colomban de Vargas et Sakina Dorothée Ayata. Alors, peut-être qu'on peut faire un peu de taxonomie, justement, pour essayer de décrire tout ce que comprend cette appellation plancton. C'est un terme extrêmement vaste qui regroupe extrêmement d'espèces, extrêmement diverses. On parle de termes génériques polyphylétiques. Comment est-ce qu'on peut définir le plancton, Colomban de Vargas ? Bah oui, la définition est très simple. En fait, c'est tous les organismes qui flottent, qui flottent dans l'eau de mer, donc qui peuvent pas résister vraiment aux grands courants océaniques. Et c'est par opposition aux nectons, qui sont tous les organismes comme les poissons, les dauphins, les baleines, etc., qui eux peuvent en fait savoir se diriger dans l'océan. Et donc, en fait, dans cette masse de vie, en fait, bah, c'est un véritable écosystème qui flotte, qui dérive, qui ne sait pas tellement où il va, qui se disperse et qui contient en fait tout ce qu'on trouve dans une forêt. Il y a des virus, des bactéries, des archées, des cellules eucaryotes qu'on appelle des protistes, et puis des animaux. Alors, ce qui manque, ce sont les plantes. Ce sont les plantes terrestres dans le plancton. Et ces plantes sont remplacées en fait par toutes sortes d'organismes qui ont pu acquérir la photosynthèse, donc les chloroplastes, hein, qui étaient à l'origine des cyanobactéries, et qu'on appelle phytoplancton, mais en fait ça ne veut pas dire grand-chose, parce que ces organismes du phytoplancton sont des groupes très très différents. C'est comme, je ne sais pas, si un singe devenait vert parce qu'il pouvait commencer à photosynthétiser, et de même un oiseau... avait aussi les ailes vertes, et puis on classifierait ça dans des animaux, des phyto-animaux, je sais pas. Mais donc c'est un groupe en fait qui est extrêmement large, extrêmement compliqué, le phytoplancton, beaucoup plus que le groupe des plantes terrestres. Sakina Dorothée Ayata, on va y passer un peu de temps, parce qu'il y a effectivement beaucoup beaucoup de choses. Il y a des possibilités de classification par taille aussi, par fonction. Comment est-ce qu'on se repère dans cette masse immense, dans cet énorme groupe qui comprend tout ce que vient de décrire Colomban de Vargas? Mais effectivement, traditionnellement, on a un peu compartimenté ça par classe de taille, donc avec le picoplancton, le microplancton, mésoplancton, etc. Mais effectivement, ces classes de taille, parfois, ben, elles sont pas forcément adaptées. Alors la classification taxonomique, on l'a dit, elle est pas forcément adaptée. Donc la vision plutôt fonctionnelle pour essayer de comprendre ce que font ces organismes et quel est leur rôle dans l'écosystème peut permettre de répondre à cette question-là. Mais je pense que quand on s'intéresse au plancton, il faut vraiment être capable, enfin idéalement, d'appréhender toutes les dimensions de la biodiversité planctonique, donc à la fois taxonomique, phylogénétique, on l'a mentionné, et aussi fonctionnelle. Mmh. Et je pense que c'est en appréhendant cette complexité qu'on est à même de mieux comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes. Si on veut avancer, Colomban de Vargas, comme on le disait, moi on m'avait appris sagement à l'école qu'il y avait le zooplancton d'un côté, le phytoplancton de l'autre, qu'il y avait des animaux et des plantes. Ça, c'est une distinction qui a complètement explosé aujourd'hui avec les progrès, notamment du séquençage génétique. Comment est-ce qu'on peut arriver justement à s'organiser? Est-ce qu'il faut partir, et pour le reste de notre discussion, sur une discussion plutôt fonctionnelle, plutôt géographique? On va en reparler dans un instant. Géographique à la surface, mais géographique également dans les profondeurs et en fonction du niveau de la colonne d'eau. Comment est-ce qu'on appréhende et comment vous exercez vos recherches sur cet écosystème immense? Ouais, c'est très compliqué en fait. Parce qu'en effet, il faut. En fait, on a une vision de mammifères terrestres en fait, de la biodiversité. On apprend depuis tout petit qu'il y a des plantes, des salades et des lapins. Et puis on a toute l'écologie en fait, terrestre essaie d'appliquer ces mêmes règles au plancton. Et en fait, on sait que le plancton marche à l'envers. Hein, dans le plancton, les plantes, donc tous ces organismes qui font de la photosynthèse, qui sont très différents, eh ben, sont très petits, sont minuscules. La plupart sont unicellulaires. Donc en fait, tout ce monde qui produit la vie, en fait, la matière organique dans l'océan, est plus petit, beaucoup plus petit que les animaux. Donc c'est vraiment le monde à l'envers. Sur Terre, ce sont les arbres qui sont beaucoup plus gros que les animaux. Donc si on part justement, je vais vous suivre, pardon, désolé de vous interrompre, on va partir justement du plus petit, c'est-à-dire ce phytoplancton unicellulaire, et on va essayer de remonter un peu pour avoir quand même une image de cette diversité, parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de choses qui sont extrêmement diverses. Je vous laisse poursuivre. Alors bon, en fait, bon, on commence à, justement à travers ces méthodes de séquençage, on commence à bien connaître tous les virus. Alors il y a plein de virus, hein, il y a à peu près 10 à 100 milliards de virus par litre d'eau de mer à l'échelle planétaire. Il y a des virus ADN, maintenant on commence à découvrir tous les virus ARN, comme le Covid, hein, comme le Corona. Et donc il y a toutes sortes de virus, il y a énormément de bactéries, des bactéries qui ont commencé à faire la photosynthèse oxygénique, et donc comme les cyanobactéries, et qui ont commencé à mettre de l'oxygène sur la Terre, en fait, bien avant les plantes terrestres, qui sont apparues bien plus tard. Et puis après, il y a alors un monde extraordinairement complexe qui est très très compliqué à appréhender. Moi, qui est ma passion, en fait, ce sont tous les organismes unicellulaires eucaryotes. Donc, c'est les cellules complexes, c'est comme nos cellules, mais qui sont à l'état unicellulaire, qu'on appelle des protistes. Et ce monde-là est très très très compliqué parce qu'on ne le connaît pas. Il y a eu très peu de gens, en fait. Il n'y a pas eu de grands naturalistes protistologues connus hein, comme Cuvier ou Darwin. Et donc, en fait, il y a un manque encore là, béant de connaissances, et c'est un monde qui secoue beaucoup les dogmes de la biologie, en fait, qu'on a fait sur des... Toute la biologie a été construite sur quelques modèles, un champignon, la levure, et puis la drosophile, et puis une vingtaine de modèles. On n'a pas du tout, en fait, donc, en fait, même fonctionnellement, c'est compliqué, parce que ces organismes, en fait, ont des fonctions qu'on ne connaît pas, en fait. Donc, c'est vraiment très compliqué. Et après, les protistes, si on continue à monter en taille? Alors, certains de ces protistes ont quitté l'océan hein, pour devenir des plantes, en fait. Et puis, d'autres de ces protistes, les coènes ou flagellés, se sont agrégés et ont commencé à faire des animaux. D'abord, des animaux très simples, comme les méduses, du plancton, et puis après, des animaux de plus en plus complexes. Et donc, dans le zooplancton, aujourd'hui, je crois qu'il doit y avoir à peu près 6000 espèces décrites d'animaux planctoniques, qui sont aussi très différents de ce qu'on observe sur Terre. Et dans le zooplancton, il y a ce qu'on appelle le zooplancton primaire et secondaire. Alors là, je laisse Sakina répondre. Pas primaire et secondaire, mais permanent et temporaire. Excusez-moi, c'est moi qui m'emmène les pinceaux. Sakina de Rotayata, prenez le relais, je vais donner le relais justement pour continuer à monter en gamme. En effet, peut-être juste préciser bien pour les protistes, comme on a déjà mentionné, les mixotrophes, ces organismes qui sont à la fois animaux, végétaux, voilà, qu'on entend parler des singes qui devenaient verts, c'est assez, je pense, l'analogie est assez frappante. En fait, on essaie quand même de les classer pour avoir une vision un peu plus claire. Donc, ça va de ceux qui sont plutôt des plantes carnivores, si vous voulez, qu'on appelle le mixotrophe constitutif, qui ont à la fois dans leurs cellules la machinerie cellulaire pour faire la photosynthèse et pour faire la croissance hétérotrophe. Et puis, à l'autre bout, il y a plutôt le zooplancton photosynthétique. Et donc là, pour ces organismes-là qu'on appelle les mixotrophes non constitutifs, il y a plusieurs manières d'acquérir leur appareil photosynthétique, puisqu'il n'est pas codé dans leur gène, si vous voulez. Donc il y a ceux qui sont plutôt généralistes, et ces organismes-là vont être kleptoplastes, c'est-à-dire qu'ils vont voler les chloroplastes de leur proie. Donc soit ils vont les voler dans n'importe quelle proie, soit pour des proies spécifiques, donc il y a les kleptoplastes spécialistes et généralistes. Et puis encore une quatrième catégorie qui correspond à ceux qui ont des endosymbiontes, qui vont finalement conserver dans leurs cellules l'appareil photosynthétique issu de leur proie. Donc on arrive quand même à faire des distinctions, mais ça reste quand même assez arbitraire. C'est-à-dire qu'ils phagocytent leur proie et qu'ils vont utiliser justement de manière commensale, entre guillemets, ou parasitaire, l'appareil photosynthétique des proies qu'ils ont digéré, c'est ça ? Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, pour revenir à votre question sur le plancton permanent et temporaire, ce qu'on appelle parfois holoplancton pour les organismes qui sont planctoniques tout leur cycle de vie, et le méroplancton, ceux qui sont planctoniques qu'une partie de leur cycle de vie, et c'était mentionné d'ailleurs dans le reportage de 56 que vous avez présenté au début. En fait, on trouve effectivement dans le plancton tout un tas de larves planctoniques qui appartiennent à des organismes qui, une fois adultes, ne sont plus dans le plancton, mais sont fixés au fond. Et typiquement, on a les larves des moules, des crabes, de plein d'organismes qu'on connaît assez bien à l'état adulte, assez bien connu par le grand public, mais qui ont cette phase larvaire planctonique, qui est une phase clé pour leur cycle de vie, parce que vous imaginez bien que si un organisme pond, libère des larves dans son habitat favorable, donc au fond des océans ou sur les côtes, eh bien les larves, comme elles vont être planctoniques, elles vont être transportées par les courants, potentiellement sur des kilomètres. Et donc, il faut qu'à l'issue de leur phase larvaire, ces larves puissent se sédentariser dans un habitat favorable. Et si elles échouent, elles vont mourir. Et potentiellement, les populations adultes qui n'ont pas d'apport larvaire régulier vont aussi péricliter. Donc, c'est également un rôle très important pour la survie des populations marines. Alors, on parlera des diverses fonctions ou des divers rôles que remplissent toutes ces populations aussi diverses que vous venez de l'entendre. Mais on va poursuivre notre exploration par une exploration géographique. Je vous en parlais tout à l'heure. Une étude a été publiée en fin d'année dernière dans la revue Science. Cette étude qui dresse une cartographie donc assez fine de la répartition des planctons à l'échelle terrestre. Étude qui a été rendue possible grâce aux données de l'expédition Tara Océan, dont vous nous direz un mot également tout à l'heure, Colomban de Vargas. Et c'est précisément Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. À cette étude que vous êtes intéressé. Oui, et c'est avec Guillaume Sommeria-Klein, qui est post-doctorant à l'université de Turku en Finlande, que nous avons parlé de tout cela. Guillaume Sommeria-Klein est le co-auteur de cette étude parue récemment dans Science sur la répartition biogéographique du plancton eucaryote, l'une des familles les plus importantes et les plus diversifiées de plancton. C'est, comme vous le disiez Nicolas, grâce au relevé d'ADN planctonique réalisé au cours des missions précédentes de Tara Océan que Guillaume Sommeria-Klein et son équipe ont pu dresser une cartographie de la répartition du plancton eucaryote. Et ils ont mis en évidence d'importantes variations chez ces différentes familles de plancton, des variations qui peuvent être liées notamment à une influence de l'environnement sur ces organismes. Dans cette étude, nous nous sommes intéressés au plancton eucaryote, qui constitue une grande part du plancton mondial et qui est, comparativement au plancton procaryote, assez mal connu jusqu'à présent. C'est un plancton qui est très diversifié, ça comprend des types d'organismes très différents les uns des autres. Donc ça va de petites algues qui font à peu près la même taille qu'une bactérie à des organismes gélatineux de type méduses qui peuvent faire des tailles macroscopiques, mais donc qui ont en commun de dériver le long du courant, et c'est pour ça qu'ils sont classés comme du plancton, mais ils sont très différents les uns des autres, et ce sont tous des organismes eucaryotes, donc caractérisés par des cellules avec un noyau. Pour cette étude, justement, sur quelles données vous vous êtes basé? Et à quelle méthodologie vous avez eu recours pour établir une cartographie de ce plancton eucaryote? Dans cette étude, nous sommes basés sur des données ADN qui ont été récoltées dans différentes stations autour du monde par la goélette Tara. Nous sommes concentrés sur une petite partie de l'ADN récoltée qui a été amplifiée. Et donc cette petite partie de l'ADN qu'on appelle un barcode est caractéristique des organismes eucaryotes. Et nous avons utilisé les variations sur cette séquence, donc sur ce barcode ADN, pour détecter la diversité des organismes eucaryotes qui étaient présents dans les échantillons. Ces barcodes peuvent ensuite être comparés à des bases de données qui existent au préalable pour identifier de quel type d'organisme il s'agit, sachant que ces bases de données sont encore très lacunaires. Quels résultats et quelles cartes vous avez pu établir à partir de ces échantillons-là ? Nous avons obtenu en tout environ 250 000 unités taxonomiques, c'est-à-dire des espèces si on veut, mais pas forcément au sens taxonomique habituel, reconstituées sur la base de ces séquences ADN. Et nous avons cherché à regrouper, avec une méthode donc probabiliste, à regrouper les organismes, les taxons qui étaient le plus souvent ensemble dans les échantillons, dans des assemblages. Et donc c'est à partir de cette méthode que nous avons pu reconstituer une carte où dans chaque station qui a été échantillonnée, on peut voir la proportion de chacun des assemblages de taxons, donc de plancton eucaryote, qui est présente. Et nous avons, pour l'ensemble de la planète, pour les 250 000 taxons moléculaires, choisi d'utiliser sur la base des données 16 assemblages pour constituer cette carte. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette carte et quelle surprise elle a pu mettre en évidence ? Alors déjà, cette carte, elle présente donc au niveau mondial une différence très claire entre les zones qui sont situées au-dessus de 45 degrés de latitude nord et sud, donc les hautes latitudes, et les latitudes intermédiaires et tropicales entre les 45 degrés de latitude nord et les 45 degrés de latitude sud. Au sein des latitudes, intermédiaires, tempérées et tropicales, il y a beaucoup d'organismes qui sont ubiquistes, qui sont présents partout, qui sont rassemblés dans un assemblage qui est présent un peu partout sur Terre. Et cet assemblage-là n'est pas du tout présent aux hautes latitudes. Donc ça, c'est la chose la plus évidente qui saute aux yeux quand on regarde cette carte. Ensuite, à échelle plus fine, on voit aussi des différences. Certains assemblages sont présents dans certaines parties de l'océan mondial et à certaines latitudes plutôt que d'autres. Donc il y a aussi une structure à échelle plus fine. Vous le disiez tout à l'heure, la famille du plancton eucaryote, c'est une famille très large, très diversifiée. Est-ce qu'au sein de cette grande famille-là, il y a des différences, des modifications de la répartition de ces différents groupes qui composent cette grande famille du plancton eucaryote. Effectivement, le plancton eucaryote est très diversifié à beaucoup de plans. Et nous avons, pour comprendre les différences entre différents types de plancton, nous avons répété la même analyse pour chacun des 70 principaux groupes de plancton eucaryote. Donc, ce sont des groupes très larges. Par exemple, on met ensemble tous les chordés qui comprennent notamment tous les vertébrés, il y a aussi les arthropodes et ensuite d'autres groupes moins connus mais qui sont aussi des groupes qui comprennent une très grande diversité d'organismes. Et donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble en comparant les résultats obtenus pour chacun de ces 70 sous-groupes de plancton eucaryote. Donc nous avons comparé de façon systématique les résultats obtenus pour ces groupes et nous avons donc constaté que les cartes donc, de biogéographie obtenues variaient selon deux axes principaux de variation. D'une part, en fonction de la quantité de structure biogéographique, donc est-ce que la carte est présente une structure, est-ce que les stations qui sont les plus proches les unes des autres ont tendance à être constituées des mêmes assemblages ou pas. Alors ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est plutôt un axe qui quantifie si la biogéographie est organisée en fonction des bassins océaniques ou plutôt en fonction de la latitude. Donc aujourd'hui, il y a une génération de plus en plus importante de données de cette taille, assez exploratoire, c'est-à-dire qu'on a généré une grande quantité de données avec des questions scientifiques qui, à l'origine, étaient assez ouvertes. Et ça nécessite du coup d'utiliser des méthodes comme celles qu'on a utilisées qui permettent de détecter une structure qui n'est pas forcément attendue à l'avance. Et donc ça, c'est une direction scientifique qui est probablement amenée à se développer à l'avenir. Voilà donc un aperçu de cette étude publiée avec l'un de ses co-auteurs dans la revue Science. Une réaction peut-être pour nous permettre de mesurer l'importance pour vous et dans vos travaux respectifs de cette biogéographie du plancton à l'échelle de la planète, Sakina Dorothée-Ayata. Mais alors là, je pense que c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire avec les données qui ont pu être acquises dans le cadre de Tara Océan. C'est-à-dire que c'est des données qui ont été acquises avec un protocole unique à l'échelle globale. Et à partir de ces données générées lors des différentes campagnes, en fait, il y a énormément d'études qui ont pu être faites. Et donc, je pense que c'est un exemple d'études qui peut être faite. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance aussi de pouvoir travailler sur une partie de ces données collectées par Tara. Et ça donne vraiment accès à une nouvelle vision, à des nouvelles informations sur ces communautés planctoniques. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très utile, avoir des données ouvertes qui sont de plus en plus importantes. Et donc, on accumule les données, mais ça permet aussi de créer de la nouvelle connaissance. Colombon Vargas, vous qui êtes co-directeur de l'expédition Tara Océan, alors un mot là-dessus. Mais il était brièvement question qu'on puisse être en direct avec eux. Je crois que la liaison est quand même, tout de même un peu compliquée. Votre réaction à ce reportage et à l'importance justement de ces relevés de Tara dans une meilleure collection de connaissances de ces communautés planctoniques? Ouais, ce qui est très émouvant en fait pour nous, c'est qu'on est parti donc il y a à peu près, c'était 2008-2009, donc il y a un peu plus de 10 ans. Et on avait juste en tête de faire cet échantillonnage global avec pas beaucoup de points en fait, hein, parce qu'on a fait 220 stations, donc c'est pas beaucoup à l'échelle planétaire, mais on a fait une représentation globale de tous les océans, donc on était un peu partout. Et puis on a vraiment échantillonné tout les organismes, des virus justement jusqu'aux animaux. Donc en fait c'est la première fois et avec les mêmes méthodes comme disait Sakina. Donc c'est assez étonnant en fait et on a bien organiser les données, on les a mises publiques et maintenant il y a plein de gens qui utilisent ces données pour faire en fait des études remarquables. Ce qui est fabuleux avec cette biogéographie, c'est qu'elle concerne vraiment un très large spectre d'organismes, des tonnes d'états en fait qu'on ne connaît même pas. Et donc surtout ça lève énormément d'hypothèses en fait à tester. Mais c'est la première fois qu'on commence à faire de la vraie écosystémique à mon avis, c'est-à-dire qu'on a des données qui couvrent en fait l'écosystème au niveau des échelles spatiales, mondiales, et aussi les échelles taxonomiques des plus petits organismes aux plus gros. Donc c'est le début en fait d'une écosystémique objective, quoi, pas basée sur des hypothèses, sur des comptages de quelques groupes, mais sur vraiment une quantification de l'ensemble. Mais qu'on comprenne bien, Colombon Vargas, ce qui a été effectué par Tara, les relevés qui ont été faits sont des relevés génétiques, c'est du métabarcoding, c'est-à-dire que vous êtes allé chercher ce que vous expliquiez au début, c'est-à-dire des fragments ADN, ça n'est pas du relevé taxonomique, ou est-ce que c'est un peu des deux? Ah non, c'est, non, non, on a vraiment tout fait. En fait, c'était un peu fou cette histoire. Hein. Mm. On a non seulement pris des morceaux d'océan de différentes fractions de taille des communautés, et en effet, qu'on a extrait après pour séquencer l'ADN ou des marqueurs génétiques, des barcodes, ou alors les gènes exprimés, l'ARN, hein, ce qu'on appelle la métatranscriptomique. Mais aussi, en fait, on a fait toute une collection énorme de plancton. Pour tous ces écosystèmes, en fait, on a aussi des réserves de plancton préservées dans plein de tampons qu'on a ici à Roscoff ou à Villefranche-sur-Mer aussi, et avec lesquels on est en train de sortir maintenant des études en imagerie automatique. En fait, et à mon avis, ça marche comment, l'imagerie automatique? Bah en fait, on avait un protocole. On a six instruments qui permettent de voir le plancton des plus petits aux plus gros. Ça commence avec le cytomètre en flux. Après, c'est de la microscopie confocale automatique. Et puis après, on va sur des instruments qui s'appellent le Flowcam, et puis le Zooscan, et puis l'UVP qui prend des images de plancton en fait directement dans l'eau, des plus gros planctons, justement des gélatineux, des planctons délicats. Mmh. Et on est seulement en train de sortir. Ces données sont tellement complexes, difficiles à obtenir par rapport aux données génomiques qui sont beaucoup plus simples. Mais à mon avis, ces données vont être beaucoup plus intéressantes encore. Donc là, le plus intéressant est à venir, mais imminent en fait, mmh. parce qu'on arrive à un premier papier global en fait, sur la morphologie du plancton. Qui doit sortir quand ? Qui va sortir, en fait, qu'on va soumettre, c'est le travail de Fabien Lombard, là, qui a fait, à Villefranche, qui a fait un travail absolument extraordinaire. Mmh. Et qu'on aboutit, là, après 10 ans. On va avoir la structure, en fait, morphologique des écosystèmes planctoniques mondiaux. Et ça, c'est vraiment le Graal. Ouais, bien sûr. Comment est-ce qu'on fait le lien entre les données génomiques et les données taxonomiques ou les données visuelles que vous obtenez par les méthodes que vous venez de nous expliquer? C'est une excellente question, en fait. Maintenant, il va falloir, en fait, commencer aussi à travailler, à isoler des organismes, des singles, des uniques, quoi, en fait, des individus, et à obtenir aussi le génome et le transcriptome de cellules uniques, parfois. On appelle ça single cell. Hein, et donc, il va y avoir tout un travail. Donc, pour l'instant, c'est que de la corrélation, en fait. Hein. Oui. Et on est à un niveau corrélatif, donc c'est déjà très intéressant. On peut déjà commencer à trouver des choses statistiquement, mais il va falloir aussi passer par le séquençage aussi d'organismes, d'individus uniques. Parce que par exemple, pour les eucaryotes, dont on a pas mal parlé, on est à peu près maintenant, je crois, à 200 millions de gènes hein, séquencés dans Tara, de gènes différents. Et il y a à peu près 60% de ces gènes, ils ne se trouvent même pas dans les bases de données. Donc on ne sait même pas. Comme c'est des gènes conséquences d'une soupe d'ADN, en fait, on ne sait même pas quels gènes vont ensemble dans un même organisme. Mmh. Donc il y a un immense travail à faire pour comprendre tout ça. On va continuer à parler des planctons, on va s'interroger sur leurs fonctions aussi, puisqu'ils sont à la base de nombreuses chaînes trophiques marines, et puis on va également observer les effets de modifications climatiques sur ces populations géographiques et puis sur leurs fonctions les uns vis-à-vis des autres. I threw my ring. That is all it will ever mean. So now it can be just another shiny thing glinting. To some lost to me, I don't know how we came to this. I never thought. Bottom of the ocean. If I could. I'm the Ocean de Paul Weller à 16h40 sur France Culture. Nous parlons des océans, des mers, mais en fait, littéralement de toute l'eau superficielle terrestre, puisqu'il y a également du plancton dans les rivières et dans l'eau douce. Nous parlons donc des planctons en compagnie de Colomban de Vargas, qui est biologiste marin, directeur de recherche CNRS à la station biologique de Roscoff et co-directeur de l'expédition Tara Océan, et Sakina Dorothée Ayata, qui est maîtresse de conférence en écologie marine à Sorbonne Université au laboratoire L'Océan. Alors, si on parle justement de classement fonctionnel, puisqu'on a essayé de faire du classement phylogénétique, taxonomique, du classement par taille, mais tous ces planctons ont bien des rôles bien distincts et différents dans la chaîne trophique et vis-à-vis de l'écosystème. Là aussi, j'imagine, Sakina Dorothée Ayata, que c'est un classement bien difficile parce qu'on ne connaît qu'une faible partie de la fonction de ces planctons. Mais qu'en connaît-on et comment peut-on les classer les uns vis-à-vis des autres? Alors depuis quelques temps, il y a une approche qu'on utilise qui s'appelle l'approche par trait fonctionnel, qui vise à non pas décrire les organismes par leur espèce, enfin leur mettre une étiquette taxonomique, mais plutôt les décrire en fonction de leurs attributs individuels qui font que ces organismes-là vont avoir un succès dans les écosystèmes. Et c'est aussi à travers ces caractéristiques-là qu'on appelle les traits fonctionnels qu'on va pouvoir finalement caractériser la diversité fonctionnelle de ces communautés. Et donc c'est une nouvelle vision, si vous voulez, plutôt que de regarder qui est présent, on regarde plutôt qui fait quoi. Mmh. Et finalement, c'est assez intéressant parce que là encore, le plancton, il est plein de surprises. Nous, par exemple, en s'intéressant à un type d'organisme particulier, en l'occurrence les copépodes, donc qui sont des petits crustacés zooplanctoniques qui dominent aussi les masses d'eau en termes de biomasse et de concentration, sorte des cousins des crevettes, si vous voulez. Avec un œil au milieu. Exactement. Mmh. Voilà, si vous connaissez Bob l'éponge, c'est le petit organisme qui s'appelle plancton. Voilà, c'est un copépode. Ils ont une forme plutôt de torpille assez allongée avec deux grandes antennes, enfin, ce sont des antennes nulles, et puis un gros œil central. Et donc, ces petits organismes-là, finalement, souvent on met dans la même boîte, hein, c'est des copépodes, c'est du zooplancton, jusqu'à quelques millimètres, eh bien on s'est rendu compte que si on voulait les caractériser plus précisément au niveau de leur rôle fonctionnel, eh bien dans cette boîte de copépodes, finalement il y avait des copépodes avec des caractéristiques fonctionnelles très différentes. Il y en a qui vont être herbivores, d'autres qui vont être omnivores, d'autres qui vont être détritivores, certains vont aussi être carnivores. Ils vont pouvoir aussi soit s'alimenter en générant des courants qui vont permettre d'apporter les particules vers leur bouche, ou alors ils vont pouvoir guetter à l'affût et sauter sur leur proie lorsqu'elle va s'approcher d'eux. Enfin, donc il y a plein de stratégies comme ça qui sont très différentes et qui permettent de se rendre compte que même dans cette boîte qu'on classiquement met dans les modèles, hein, c'est une boîte, c'est la boîte des copépodes, et bien même dans cette boîte, il y a une très très grande diversité fonctionnelle. Colomban de Vargas, sur cette diversité fonctionnelle et sur les différents rôles que remplissent les différentes familles de plancton dans l'écosystème océanique, puisqu'on pourrait faire une autre émission sur les planctons d'eau douce, on pourrait faire 18 émissions sur les planctons à vrai dire. Là, on a l'impression d'être un peu à la surface et très descriptif, mais on en fera d'autres. Je vais vous laisser parler sur cette diversité. Oui, ben, comme disait Sakina, en fait, c'est très difficile parce qu'il faut vraiment se mettre dans la peau d'un plancton. Et parce que ces approches fonctionnelles, en fait, elles sont beaucoup basées sur l'intuition des êtres humains qui vivent dans un monde ou dans une atmosphère, en fait, avec sur des sols. Et dans le plancton, il n'y a pas de sol, il y a pas la physique et la chimie, en fait, de l'environnement est complètement différente. Donc, il n'y a pas de sol, il y a souvent des nutriments qui manquent complètement, la lumière se diffuse d'une façon extrêmement particulière, les nutriments arrivent en profondeur, donc là en fait les canopées sont plus profondes ne sont pas en surface, en fait, donc tout est inversé, tout est différent. Il y a énormément d'organismes qui sont complètement transparents, et en fait donc on est dans un monde vraiment très très très qui réagit, qui n'est pas celui de nos sens, de notre sens commun. Donc ça c'est très très difficile pour des biologistes qui essaient d'utiliser les traits, parce que justement on a cette tendance en fait à utiliser les traits qui sont les nôtres, en fait. Et donc voilà, donc je pense que bah oui, chez les animaux planctoniques, dans le zooplancton, il y a tout ce qui est le comportement de nourrissement, notamment chez les gélatineux, c'est extraordinaire. Il y a des planctons en fait qui font des énormes filets qui peuvent capturer en fait les plus petites cellules qui peuvent capturer des cyanobactéries de Prochlorococcus, donc des petites cellules qui font moins de 1 micron. Et ils sont capables en fait de faire des énormes filets pour capturer ces tout petits organismes, alors que eux-mêmes mesurent plusieurs centimètres. Donc il y a un saut par exemple là de taille. C'est comme si on n'a pas ce genre de saut de taille en fait entre une proie et un prédateur sur Terre. Et donc ça, c'est très très, c'est magnifique en fait, et c'est très difficile à observer bien sûr, parce que il faut, c'est aussi des organismes qui sont très fragiles, qui sont extraordinairement fragiles. En fait, si vous mettez du plancton dans un laboratoire un soir, ben, le lendemain tout est détruit et ça sent très mauvais l'écosystème est ruiné en fait. Mmh. Donc c'est très intéressant aussi. Ouais. Le plancton, on n'a pas beaucoup de choix, il faut l'étudier sur place. Mmh. Donc on est encore très loin de comprendre tous ces comportements et cette physiologie du plancton. Et c'est un écosystème extrêmement évolutif aussi. Hein. Je l'évoquais tout à l'heure, au tout début de l'émission. Il y a une étude qui a été effectuée en rade de Brest et qui a permis de faire de l'archéologie planctonique, Colomban Vargas. On peut étudier, on a une idée de l'évolution des populations planctoniques en rade de Brest depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce qu'on a pu faire ça sur des organismes aussi petits et justement qui meurent aussi facilement? Comment est-ce qu'on a réussi à effectuer cette archéologie? Oui, ça c'était vraiment la surprise, je crois, de l'année passée. Je pense que pour moi, c'est une des plus belles études, en fait, par Raffaele Ciano, un copain et collègue. Et ils ont pris des carottes de sédiments, en fait, qui font quelques mètres de profondeur. Hein. C'est des tubes de sédiments, en fait, qu'on enfonce dans le... Et si le sédiment, en fait, est suffisamment dépourvu d'oxygène, anoxique, ben, il préserve très bien la matière organique, parfois des microfossiles de plancton, mais aussi surtout l'ADN. Et donc on peut de nouveau utiliser les mêmes méthodes que celles qui a été décrites tout à l'heure pour le papier pour refaire la biogéographie, mais dans le temps en fait, pour analyser en fait la biodiversité le long de cette carotte. Donc c'était une grosse surprise en fait de voir que le plancton était aussi bien préservé. Et Raffaele a montré de manière splendide en fait que c'était à la guerre en fait qu'il y a eu de tels bombardements et de telle pollution de l'écosystème autour de Brest que le plancton a radicalement changé et il n'a pas pu en fait, l'écosystème n'a pas pu reprendre son souffle. Après il y a eu des apports beaucoup d'engrais qu'il a mesuré aussi en fait les polluants dans cette carotte sédimentaire. Et il a montré en fait qu'il y a eu un changement radical de plancton là au large de Brest de la Bretagne. Qui date en fait du siècle passé, hein, vraiment de la dernière guerre mondiale, ce qui est assez incroyable en fait. Donc ce genre d'études doit vraiment être répété tout le long des côtes européennes en fait pour comprendre ce qui s'est passé. Et il faut savoir que des petits changements de plancton peuvent complètement changer en fait les poissons en fait, hein, ou tous les organismes visibles donc qu'on a l'habitude d'avoir dans nos assiettes ou d'apprécier. Dépendent complètement du plancton, et donc donc c'est très important. Oui, puisqu'ils sont à la base de la chaîne trophique, ils sont évidemment, comme chacun sait, les premiers producteurs d'oxygène de notre planète, les premiers organismes également qui absorbent, et le premier puits de carbone bien largement devant les forêts terrestres. Ce qui nous amène à notre dernière partie d'émission, Sakina Dorothée Ayata, puisqu'on voit, et comme on vient de l'entendre, que la guerre, que la pollution a largement modifié et bouleversé la population planctonique de la rade de Brest. Quelles sont les études aujourd'hui? De quelles informations dispose-t-on sur la réaction des divers écosystèmes planctoniques aux modifications climatiques, à la modification de l'acidité océanique, également aux polluants atmosphériques, à l'augmentation du CO2 atmosphérique, à tous ces éléments qui composent les bouleversements climatiques que nous connaissons en ce moment? Bien, pour étudier l'impact du changement climatique sur le plancton, donc il y a déjà les études qu'on peut faire à partir des séries temporelles historiques. Par exemple, à Villefranche-sur-Mer, il y a une série temporelle sur les données planctoniques qui date des années 50. Et donc, on peut suivre comme ça sur le très long terme comment les communautés planctoniques ont évolué. Et c'est vrai qu'on n'a plus comme ça montré l'impact qu'avait eu le réchauffement sur les communautés planctoniques. On peut aussi essayer de prédire ce qui va se passer dans le futur. Alors ça, c'est plutôt avec des modèles statistiques, comme des modèles de Nish qui permettent de prendre en compte différents scénarios climatiques et puis prédire la distribution future des organismes planctoniques. Donc, c'est un champ d'études en cours. Hein. C'est vrai que nous, on a pu montrer qu'en Méditerranée, par exemple, toujours sur les copépodes, que le changement climatique pouvait impacter énormément la diversité taxonomique des copépodes en Méditerranée, avec le réchauffement des eaux, une eau qui devient plus salée. Et donc, par exemple, pour ces communautés de copépodes en Méditerranée, pour lesquelles il y a plus de 500 espèces qui ont été décrites, donc c'est des communautés très très très variées, on a montré que des espèces pouvaient disparaître à cause du changement climatique, mais que d'un point de vue fonctionnel, finalement, dans un écosystème comme ça, où on a une très forte redondance fonctionnelle, où il y a plein d'espèces, mais du coup, il y en a plein qui font un peu les mêmes choses, finalement, si on perd des espèces, d'autres espèces qui restent peuvent faire la même chose. Donc on a un impact fort sur la diversité taxonomique, mais plus faible sur la diversité fonctionnelle. Donc ça, c'était intéressant intéressant de voir comment prédire un peu comment un écosystème très riche pouvait répondre. En revanche, c'est vrai que si on s'intéresse plutôt à des écosystèmes comme les écosystèmes arctiques, les écosystèmes polaires, là, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'au contraire, en cas de changement climatique, ben, pour des écosystèmes qui ont des diversités spécifiques beaucoup plus faibles, eh bien là, le changement climatique entraîne des changements très importants. Par exemple, ça a déjà pu être observé qu'en Atlantique Nord, avec le réchauffement, ben, les espèces de copépodes changent et ça a un impact sur, en particulier, la morue et donc la pêche. Et ça, c'est déjà à l'œuvre. Oui, puisqu'une fois de plus, on est à la base de la chaîne trophique, donc on change un tout petit peu la base de cette chaîne et c'est toute la chaîne qui est bouleversée. Il y a plusieurs choses. Il y a également l'acidification, Sakina Dorothée Ayata, l'acidification des océans. Donc on sait qu'elle est très très nuisible pour la formation des petites coquilles, pour les zooplanctons qui a besoin de se constituer justement une coquille dure. L'acidification empêche cela. Il y a également des mouvements dans la colonne d'eau qui font remonter à la surface du plancton qui est plutôt habitué à être du plancton profond. Qu'est-ce qu'on sait là également de ces phénomènes-là? Oui, effectivement, on a pu montrer que l'acidification des océans impactait en particulier les organismes calcifiants, ceux qui font des coquilles. Tout à l'heure, je mentionnais les larves planctoniques, les larves de moules, d'huîtres, de tous ces organismes, de tous ces mollusques bivalves qu'on connaît bien. Eh bien, leurs larves, effectivement, peuvent avoir des problèmes de développement lorsque l'acidification devient trop forte. Et vous avez mentionné aussi les changements de circulation. Effectivement, les changements de circulation vont aussi impacter la distribution des organismes qui peuvent se retrouver transportés dans un environnement qui ne leur est plus favorable. Et donc, ça devient aussi très mauvais pour eux, évidemment. Colomande Vargas, sur ces questions de modification climatique et d'impact sur les planctons? Oui, c'est des questions totalement essentielles. Ce qui est compliqué, c'est que justement, on vient en fait de découvrir notre ignorance de l'écosystème. On a les technologies pour bien faire les choses, je pense, pour bien justement avoir les bonnes données en fait, qui permettent justement d'avoir des données sur toute la dimension de l'écosystème. Mais on n'a pas du tout encore assez échantillonné. On n'a pas encore utilisé ces données. En fait, dans Tara, ça fait 10 ans maintenant qu'on essaie de le faire. Mais ça ne va pas du tout suffire, en fait. Et donc, le problème, c'est qu'il faudrait maintenant acquérir ce genre de données, en fait, sur beaucoup plus d'endroits de la planète, notamment sur les endroits où il y a des gradients ou des changements, justement, environnementaux. Il y a des endroits magnifiques, en fait, où on passe d'un milieu d'eau douce à eau de mer. Enfin, il faudrait vraiment maintenant faire ce type d'analyse, en fait, qu'on a fait dans Tara Océan sur ces environnements et qu'on le fasse beaucoup plus régulièrement et qu'on le fasse surtout de manière uniforme à l'échelle planétaire. Donc, c'est complexe. Mais à mon avis, c'est avec le plancton qu'on va commencer vraiment à savoir comment un écosystème marche, parce que c'est quand même relativement bien plus simple qu'une forêt, un désert ou n'importe quel autre écosystème, où en fait c'est des systèmes qui changent beaucoup moins vite que le plancton, qui vivent beaucoup plus longtemps que nous. Donc à mon avis, le plancton est la drosophile de l'écosystémique, et c'est grâce au plancton qu'on va, à mon avis, vraiment comprendre justement cette interaction entre le climat et le vivant. Mais j'imagine qu'il y a tout de même d'autres équipes, outre Tara, d'autres équipes internationales qui se dévouent à l'étude du plancton et qu'il y a... Il y a une communication entre équipes de chercheurs, il y a une communication internationale, il y a une mise en commun de ces données, quelque part, Colomande Vargas? Alors là, dans la mission en cours, c'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir le bateau en direct, mais on est en train, donc on a fait toute la côte de l'Amérique du Sud, hein, le Chili, et puis après le Brésil, l'Argentine, etc. Et on a chaque fois collaboré avec des études, des universités locales, et on essaie de discuter, on essaie d'homogénéiser les protocoles au maximum, et on essaie vraiment de former une communauté globale. Mais malgré tout, c'est compliqué, et je pense que souvent ça dépend en fait de l'instrumentation. C'est-à-dire que il faut avoir les bons instruments qui permettent de mesurer le vivant, et de manière aussi pas chère, bon marché, pour qu'il puisse être déployé aussi le plus grandement possible. Je pense que là, il y a des pas technologiques en fait qu'on va devoir faire. Et moi, je suis passionné en fait par cette nouvelle science de l'écosystème dite frugale. C'est-à-dire, je pense qu'on doit vraiment développer une océanographie frugale avec des instruments frugaux, pas chers, partageables, open source, et avec qui on peut tous mesurer en fait le vivant dans l'eau à l'échelle planétaire. Sakina Dorothée Ayata, il y a des effets paradoxaux finalement à cette modification climatique, parce que avec les particules fines qui se déposent dans l'océan, avec l'augmentation du CO2 qui augmente la photosynthèse, il y a aussi certaines zones, après les grands incendies par exemple en Australie, on a pu voir depuis l'espace des recrudescences et une prolifération de plancton dans d'autres zones du Pacifique. Donc est-ce que finalement le plancton pourrait être cet écosystème tampon qui amoindrirait d'une certaine manière et la pollution atmosphérique et le réchauffement climatique, ou est-ce que là aussi il y a ce problème du tipping point, du point de bascule où eh bien le plancton ne peut plus assumer, c'est trop à processer? Comment est-ce qu'on connaît ces données là? Mais effectivement, le plancton il joue ce rôle de tampon puisque il assure actuellement ce qu'on appelle la pompe à carbone biologique, c'est-à-dire qu'il va fixer l'excédent de carbone libéré par les activités humaines. Et donc il joue déjà ce rôle de tampon. Donc effectivement, s'il y a plus de CO2 de disponible, ça permet de faire une plus grande photosynthèse pour ces microalgues planctoniques. Et c'est ce que montrent les différents scénarios du GIEC. Hein, quand à l'horizon 2100, il pourrait y avoir plus de production primaire au niveau des pôles en particulier. Donc effectivement, le plancton, il a ce rôle de tampon, de régulateur. Ça permet aussi de réguler le climat. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est jusqu'à où ce plancton peut réagir. Et puis aussi, ce qu'on a déjà observé, c'est que les espèces ont tendance à se déplacer et à se déplacer vers les pôles pour suivre la température qui est optimale pour ces espèces. Mais à un moment, quand on monte vers les pôles, à un moment, on arrive au pôle et on arrive à un endroit où on est bloqué, on peut plus monter. Donc ça pose aussi ce problème de savoir... Les espèces peuvent s'adapter, effectivement, mais est-ce qu'elles auront l'opportunité de s'adapter suffisamment vite, vu les changements auxquels on assiste? Et puis, qu'est-ce qui va se passer au niveau des écosystèmes polaires, qui, eux, finalement, subissent de plein fouet un changement climatique? Et en particulier, je travaille avec des collègues québécois, canadiens, d'ailleurs, peut-être que Frédéric Maps, mon collègue de Laval, nous écoute. Et on regarde en fait l'impact de la fonte des glaces sur les écosystèmes polaires et on essaye de mieux comprendre comment les écosystèmes répondent à cette fonte des glaces pour essayer de mieux anticiper l'impact du changement climatique sur ces écosystèmes. Un dernier mot pour conclure cette émission, parce que on n'en a pas parlé et pourtant c'est quelque chose qui saute au visage quand on se penche et quand on s'intéresse au plancton. Cette diversité, tous ces organismes, quelle que soit leur nature, c'est d'une beauté inouïe quand même, Colomban Vargas. C'est d'une poésie folle, oui, les planctons, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique parce qu'en fait, on voit toujours les mêmes reportages sur les écosystèmes qu'on connaît bien, et surtout c'est un monde qui est très différent, et qui est très géométrique, parce que c'est un monde justement qui flotte, qui est en flottaison. Hein, la plus grande force de sélection sur le plancton, c'est la gravité, en fait. Hein, il faut pas qu'il tombe au fond de l'eau. Et donc c'est des organismes qui sont aussi très symbiotiques, justement, qui ont dû s'organiser entre eux pour justement flotter, hein, dans des communautés qui se dispersent. Donc ça fait des formes absolument, absolument hallucinantes. Et je crois que c'est aussi le monde où les microbes sont les plus gros. Il y a plein de microbes, en fait, d'unicellulaires qui sont complètement géants parce que justement, ils n'ont pas les contraintes de l'atmosphère. En fait, ils poussent dans l'eau et donc ça nous donne accès au microbiome. Ça, je crois que c'est fondamentalement important, même philosophiquement quelque part. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de vraiment basculer dans le monde du microbiome. En fait, on est en train de se rendre compte qu'un corps humain, c'est 10 fois plus de gènes microbiens qu'humain. Et on est en train de comprendre ignorance totale du nombre d'espèces et de complexité, en fait, dans ce microbiome qui a existé seul pendant les trois quarts de l'évolution du vivant. Sans les animaux et les plantes, on est vraiment des visiteurs de ce microbiome. Et donc, je crois, à mon avis, le plancton, c'est la beauté du microbiome exprimé. Sakina Dorothée Ayata, un mot sur la beauté, la diversité du plancton, rapidement pour finir. Mais oui, c'est vrai que c'est magnifique. Hein. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu m'intéresser au plancton, étudier le plancton, parce que je trouve ça fait rêver. Et il y a même du plancton qui est scintillant. Parfois, quand on passe sa main dans l'eau, on peut voir ces petits flashs bleutés. Donc, c'est lié à des néoflagellés qui ont la capacité d'émettre en fait une lumière un peu bleutée, en particulier chez Noctiluca scintillante, qui est un organisme mixotrophe. Et donc, oui, il y a ces choses qui sont très magnifiques et finalement qu'on peut même découvrir. Il suffit de se baigner l'été et de passer sa main dans l'eau et on peut voir en fait ces flashs lumineux. Donc, ça, même si c'est loin, en fait, ça permet, c'est quand même accessible. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Encore une fois, il y aura d'autres émissions sur le plancton parce que vous entendez à quel point c'est divers et à quel point c'est un écosystème passionnant. Merci beaucoup, en tout cas, Colomban Vargas. Merci, Sakina Dorothée Ayata, d'avoir été avec nous pour en parler pendant une heure. La méthode scientifique, c'est Amel Boucherka, Natacha Triou, Céline Lezen, Naguette Saint-Villefranc, Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Olivier Bétard à la réalisation et Jérémy Kaufmann à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast et en balado-diffusion sur l'application Radio France, sur le site franceculture.fr et ce, à tout jamais jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.